si j'ai commencé par un calcul, dit Crevel, depuis je suis devenu votre toutou. Vous me mettez les pieds sur le cœur, vous m'écrasez, vous m'abasourdissez, et je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Valérie, je vous aime autant que j'aime Célestine. Pour vous, je suis capable de tout. Tenez, au lieu de venir deux fois par semaine rue du Dauphin, venez-y trois. Rien que cela, vous rajeunissez, mon cher. Laissez-moi renvoyer Hulot, l'humilier, vous en débarrasser, dit Crevel sans répondre à cette insolence. N'admettez plus ce Brésilien. Soyez tout à moi. Vous ne vous en repentirez pas. D'abord, je vous donnerai une inscription de 8 000 francs de rente, mais viagère. Je ne vous enjoindrai la nue propriété qu'après 5 ans de constance. Toujours des marchés. Les bourgeois n'apprendront jamais à donner. Vous voulez vous faire des relais d'amour dans la vie avec des inscriptions de rente? Ah, boutiquier, marchand de pommade, tu étiquettes tout. Hector me disait que le duc d'Hérouville avait apporté 30 000 livres de rente à Josépha dans un cornet de dragée d'épicier. Je vaux 6 fois mieux que Josépha. Ah, être aimée, dit-elle en refrisant ses anglaises et allant se regarder dans la glace. Henri même, il vous tuerait comme une mouche à un signe de mes yeux. Hulot même, il met sa femme sur la paille. Allez, soyez bon père de famille, mon cher. Oh, vous avez, pour faire vos fredaines, 300 000 francs en dehors de votre fortune. Un magot, enfin, et vous ne pensez qu'à l'augmenter. Pour toi, Valérie, car je t'en offre la moitié, dit-il en tombant à genoux.